Découverte Fun Radio. Je m'envole ailleurs. Ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais, hey, comment te dire? Je vais pas faire le tour de la terre, suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. On démarre la semaine ensemble, Star Fun Radio, soyez les bienvenus, il est 6h. Et quoi de mieux pour bien démarrer la journée et la semaine que s'informer avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. On commence ce flash par une bonne nouvelle en sport. La première journée des Jeux Olympiques s'est clôturée entre rire et larmes pour la Belgique samedi. Lors de cette première journée, notre pays a déjà décroché une victoire et pas n'importe laquelle. Le Belge Greg Van Avermaet est devenu champion olympique de cyclisme sur route. Une victoire qu'il doit en particulier à un fait de course avec la chute dans les derniers kilomètres d'un certain Vincenzo Nibali. Nibali. Lors de l'arrivée à 3, le Belge a devancé le Danois Jakob Fuglsang et le Polonais Rafał Majka. Toute l'équipe belge était plus que fière de cette médaille, à l'image de Lorraine de Plus, en larmes à son arrivée. Cela faisait 64 ans que la Belgique attendait une médaille d'or dans l'un de ses sports les plus pratiqués. Chez nous, beaucoup moins marrant, deux policières ont été attaquées par un homme devant le commissariat de Charleroi samedi. Les deux femmes en faction devant leur lieu de travail ont été attaquées par un homme armé d'une machette. L'homme en question a porté de violents coups aux deux policières avant d'être lui-même visé par des coups de feu. C'est une troisième policière qui a sauvé la vie de ses collègues. Les deux femmes ont toutes deux été plongées dans un coma artificiel. Leurs jours ne sont plus en danger. Quant à l'auteur, il a été tué sur place. L'attaque a été revendiquée par l'État islamiste. C'est la deuxième fois que notre pays est touché par un acte terroriste en à peine 6 mois. À l'étranger, les Thaïlandais se sont rendus aux urnes hier afin de mettre en place une nouvelle constitution. Cette dernière est très controversée dans le pays. Elle permettrait à la junte militaire au pouvoir de noyauter la scène politique. Le référendum a déjà été critiqué par la communauté internationale. Plusieurs articles causent problème dans la nomination du Sénat. Selon les bulletins déjà enregistrés, la nouvelle constitution aurait été adoptée avec 62% des voix. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec un homme de 59 ans et qui est poursuivi par le gouvernement canadien pour polygamie. Le quinquagénaire a, on peut le dire, une famille nombreuse. Il compte pas moins de 27 épouses et 145 enfants. Selon lui, la polygamie ne devrait pas être légalisée dans son pays. L'homme vit très heureux en compagnie de toutes ses femmes et de tous ses enfants. Fun Radio. Dans un instant, côté sur Dance Floor, c'est Martin Solveig qui arrive. On va se faire plaisir avec un petit DJ Snake et Talk juste avant, côté météo. Mais est-ce que la semaine démarre bien, Florence? Pas top, avec un temps généralement sec, des températures comprises entre 17 et 21 degrés. En attendant, le son Dance Floor continue avec Alex Jermix sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Fell so far. Allez, merci d'être sur Fun Radio 6h07. Dans quelques secondes, c'est un petit DJ Snake qu'on se cale avec Talk. Les lundis matins, c'est toujours un peu difficile. En tout cas, on va passer cette matinée ensemble. On va donc se réveiller ensemble et surtout démarrer la semaine avec Coralie. Comment ça va, Coralie? Ça va très bien, et toi? Mais écoute, très très bien. Le week-end a été plus que génial, puisqu'enfin, le soleil est revenu sur la belle Belgique. On a eu un tout petit peu de pluie, mais vraiment rapidement. Sinon, grosso modo, très beau week-end. J'imagine que vous avez pu profiter, vous qui étiez vous, d'un barbecue, d'une petite promenade, d'un pique-nique, d'une balade. Qu'est-ce que t'as fait, toi, ton week-end? J'ai été au restaurant en famille. Au restaurant en famille, bah, c'était aussi quelque chose à faire. En tout cas, racontez-moi ce que vous avez fait dès maintenant de votre week-end via les SMS et aussi via la page Facebook, parce que l'émission est interactive. Oui, sur la page Facebook Summer Fun, venez la liker, envoyez-nous des messages, on les lira tout au long de l'émission. Et puis une émission qui va parler de moustache aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus, on va en parler dans quelques instants. Mais ouais, voilà, ce week-end, je me suis dit pourquoi pas une moustache. Parce que on verra ça juste après l'éphéméride. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et puis Coralie, le mois d'août est bien entamé car nous sommes déjà le 8 août 2016. Oui, et le 221e jour de l'année, on débute la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Dominique, Cyriac et à Éole. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars, comme chaque jour, sont nées aussi ce lundi 8 août. Oui, dont Roger Federer, le célèbre tennisman. Bah oui. Francis Lanane, c'est un auteur, compositeur, interprète français, mais tout le monde le connaît, je pense, ainsi que Bernard Ménès, qui est un comédien français. Et puis aujourd'hui, la journée mondiale du jour va beaucoup me plaire, à vous aussi d'ailleurs, si vous êtes des fans de félins. C'est la journée internationale du chat. Ah, donc, personne ne sait vraiment pourquoi on célèbre une journée internationale du chat. Bah, parce qu'un chat, c'est exceptionnel, c'est très beau, c'est joyeux, c'est câlin, c'est affectueux. Je pourrais continuer pendant des heures. Voilà, mais en tout cas, ce sont les internautes qui ont décidé de fêter aujourd'hui la fête internationale du chat. Donc voilà, personne ne sait vraiment pourquoi, mais on l'a fête en tout cas. Avec ce petit cri de chat très, très majestueux comme ça qui vient d'arriver. Les amis, on parle aujourd'hui. Eh bien, pourquoi pas des chats? Pourquoi pas des chats et des moustaches? Vous réagissez dès maintenant par SMS au 3044. Est-ce que vous avez un chat? Est-ce que vous êtes fan de chat? Allez, dites-le nous dès maintenant par SMS 3044. Avant ça, c'est DJ Snake et Talk 6h09. Welcome. son Dancefloor. Sur Fun Radio, merci d'être là. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on se réveille ensemble sur Fun Radio avec dans quelques secondes Willy William et Chris Cab avec leur titre Paris. Le temps pour nous, Coralie, est d'annoncer un cadeau plus qu'exceptionnel pour cette semaine. Ah oui, on vous offre l'Acer One 10. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un PC qui est convertible en tablette. Donc un PC convertible en tablette, vous avez l'écran, vous avez un PC normal quand vous Donc en fait, il fait les deux. C'est un exactement. Peu, vous pouvez détacher l'écran en fait du clavier, vous pouvez donc vous en servir en tablette, le transporter partout où vous le souhaitez. Vous pouvez aussi simplement laisser le clavier et retourner l'écran totalement. Donc il peut carrément se pivoter, faire, ouais, pivoter à 180 degrés. Eh ben. Donc c'est vraiment le top du PC tablette, on va dire. Il fait 10 pouces, il est donc convertible en tablette, vous pouvez vous connecter partout, tout le temps. Il est très léger, très facile à transporter. Si vous souhaitez le gagner, vous envoyez PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis surtout, il est très beau aussi, parce que les cadeaux qu'on vous offre, c'est aussi important de le dire, que visuellement, ils en jettent, ça cartonne, c'est le truc du moment. Et donc si vous avez envie de les remporter, comment ça se passe? Donc envoyez PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on va vous publier dès maintenant une photo sur la page Facebook de l'émission parce que, voilà, franchement, rien qu'à le voir, ça donne envie, d'aller sur internet, de surfer, de jouer avec. Vous aurez PC dès maintenant, PC, très simple, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et on appelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure. Voici Willy William sur Fun, 7h17. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Paris, Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Il est 6h20, vous êtes sur Fun Radio et on se réveille ensemble. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Alan Walker, Sing Me To Sleep, c'est ce que je vous cache dans un instant. Et c'est juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour, comme aujourd'hui, lundi 8 août, tu as consulté les astres porno et on va faire un tour du côté de l'horoscope. Que se passe-t-il pour les béliers? N'hésitez pas à faire le premier pas car c'est bien vous qui aurez le dernier mot. Les taureaux. Soyez plus malin et abusez de votre diplomatie même si la personne n'en vaut pas la peine. Les gémeaux. Vous jouez avec le feu simplement pour votre ego. N'oubliez pas que tôt ou tard, la roue tourne. On enchaîne avec les cancers. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est presque gentil. Attention à vos faits et gestes incontrôlés. Allez, les lions. Les astres de ce lundi encouragent votre esprit de solidarité et le travail d'équipe. Soyez ouverts et curieux. Les vierges. Évitez les critiques faciles pour survoler vos problèmes. Les balances à présent. Votre ciel vous donne des ailes pour croquer la vie à pleines dents. Que se passe-t-il du côté des scorpions? Une rencontre bouleversante illuminera votre journée. Les sagittaires. Il vous manque du temps. Vous êtes sur les nerfs, on vous conseille de faire profil bas jusqu'à la fin de semaine. Les capricornes, Coralie. Soignez vos humeurs pour ne pas gâcher les petits bonheurs. Les Verseaux. Vous vous sentez à l'aise dans votre environnement et ça va rester comme ça encore longtemps, les Verseaux. C'est cool pour vous. Ah, très cool, les Verseaux. Effectivement, je suis Verseau, Florence aussi, t'as entendu? Ça va bien se passer. Les Poissons. Rêvez, ayez des idées et laissez les dures réalités de côté. Ce lundi vous remontera le moral à 100%. Merci d'être avec nous, les amis. L'émission est interactive. Je vous rappelle, on a reçu quelques petits SMS déjà. On va lire tout ça dans quelques instants. Ça se passe au 3044. Juste avant, c'est Alan Walker que je vous cale sur Fun. Bon réveil. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Bye. On parle des animaux de compagnie aujourd'hui, car oui, c'est la journée mondiale du chat. On en parle jusqu'à 9h. Vous, quel est votre coup de cœur? Quel est votre animal coup de cœur? Dites-le-moi dès maintenant par SMS 3044. Côté son dance floor, cette petite cote et sexe qui arrive sur Fun. Bougez pas. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h. Fun. Fun Radio. Il est 6h30 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. J'ai du mal à dire Fun Radio ce matin. Fun Radio, oui, vous êtes sur la radio du Sun Dance Floor. Et ce matin, 6h30, on s'informe avec Florence Venlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Deux hommes ont été privés de liberté samedi soir à Auvelay. Les deux frères ont été interpellés suite à une rixe avec utilisation d'armes à feu. Et c'est une dispute entre les deux frères qui serait à l'origine de cette fusillade. Un des deux frères est allé rendre visite au second avant de sortir une clé à molette en blessant deux amis présents sur place. L'homme a alors voulu mettre fin à l'acharnement de son frère. Pour ce faire, il a utilisé une arme et tiré à plusieurs reprises sur la voiture de ce dernier. L'homme à la base de cette altercation a été légèrement blessé. À l'étranger, le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité ses citoyens à descendre dans la ville. Ce dimanche, un grand rassemblement a eu lieu avec des centaines de personnes présentes en nombre. Et cette initiative fait suite au putsch manqué par le gouvernement turc et qui a causé la mort de 273 personnes. Ce rassemblement pourra être suivi à travers le pays suite à la mise en place de centaines d'écrans géants. Et cette manifestation devrait marquer la fin des mobilisations quotidiennes. Un hommage avait lieu hier pour les 85 victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet dernier. Selon les autorités, un millier de personnes se sont rassemblées hier matin dans les rues de la ville meurtrie. Ils ont défilé vêtus de blanc, la couleur de l'espoir. Le nom des 85 victimes ont été cités avant d'entamer des chants tels que le Paradis blanc de Michel Berger ou encore l'hymne de ces actes meurtriers Imagine de John Lennon. En sport, la première grande surprise des JO côté belge a été l'élimination prématurée de Charline Van Snick en 8e de finale. La Belge grande chance de médaille a été éliminée par l'ancienne championne olympique de judo Sarah Menezes. Autre déception, la défaite de Janina Wickmeyer lors du premier tour du tournoi olympique. La Belge n'a pas fait le poids face à la Tchèque Strikova. Elle a été battue 7-6-6-1. Autre élimination, celle de Kimberley Buys en demi-finale du 100 mètres papillon en natation. La Belge avait réalisé une belle première manche avec un nouveau record de Belgique. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec ce petit village de 35 habitants qui a vu débarquer des milliers de joueurs de Pokémon Go. La petite ville de Lillo a été la scène d'un déferlement de chasseurs de Pokémon. Les 7 rues du petit village en verso ont été englouties afin de récupérer Pikachu et tous ses amis. Dans quelques secondes, côté Sun Dance Floor, c'est le belge Félix Jane qui arrive. On aura aussi Dua Lipa et Other Than Hell. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour aujourd'hui, Florence? Un temps généralement sec avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Summer Fun continue avec le Sun Dance Floor de Môme sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun. Since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. The unknown.

at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. We sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Qu'est-ce que c'est frais comme titre ça. Merci d'être sur Fun Radio, 6h54. La nouveauté de Son of Legend, c'est ce que je vous balance dans un instant sur Fun Radio. Juste avant encore aller, on peut rappeler rapidement qu'on a un cadeau plus qu'exceptionnel pour nos auditeurs, un truc 2 en 1. On vous offre votre PC Acer One 10, donc c'est un PC qui est convertible en tablette. Vous pouvez l'utiliser chez vous ou alors dans le train, il est facilement transportable. Donc en fait c'est un PC tablette facile à transporter partout. Exactement, vous pouvez choisir de le brancher à son clavier ou alors simplement retirer l'écran du clavier. À ce moment-là, ça se transforme juste en tablette. Vous pouvez donc l'utiliser vraiment où vous le souhaitez. Et si vous souhaitez remporter ce PC, envoyez dès maintenant PC par SMS 6322, c'est 1€ par message. Et puis toutes les infos évidemment de ce concours, mais aussi de nos événements et puis des autres concours sont à retrouver dès maintenant sur funradio.be. Les amis, une grosse bombe que j'ai pour vous maintenant. La nouveauté de Sound of Legend, c'est le titre qui va vous permettre de vous réveiller, de vous booster si vous êtes encore au bord du lit en train de vous dire je me lève pas. Komodo, c'est ce que je vous joue maintenant à 6h55. Montez le son, vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h. Welcome. 6h58 sur Fun Radio, soyez les bienvenus dans quelques secondes. Je vous cale Justin Bieber et Love Yourself. C'est Josua qui l'a demandé par SMS au 3044. Ainsi que mon coup de cœur du moment, les Major Lazer et Boom. C'est ce que je vous cale côté Sun Dance Floor dans un instant. Et c'est juste après ça. Fun. Fun Radio. Il est presque 7h sur Fun Radio. On fait un tour de l'actu en ce lundi 8 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le célèbre carré liégeois a été évacué dimanche matin. Un individu a été aperçu en possession d'une machette. Les forces de l'ordre ont pris l'annonce très au sérieux et ont bloqué l'ensemble du carré. Le suspect a été interpellé et déféré au parquet de Liège. Il a été placé sous mandat d'arrêt. Il n'a pas fait usage de son arme. Le dossier a été mis à l'instruction. Des bagarres ont également eu lieu sur place, une arrestation pour port de machette et quelques heures seulement après l'attaque du commissariat de Charleroi. À l'étranger, 11 soldats ont été tués samedi au Nigeria. Un affrontement avec des trafiquants d'armes et des bandits est à l'origine de cette nouvelle attaque. Les militaires étaient en opération lorsqu'ils ont été pris à partie par des bandits. Un officier, 8 soldats et 2 aviateurs de l'armée de l'air ont perdu la vie dans ces combats. Un Australien a été inculpé dimanche pour préparation d'un acte terroriste. L'homme est soupçonné d'avoir des liens avec l'extrême droite. Il a été inculpé par le tribunal de Melbourne. Celui-ci lui reproche non seulement la préparation d'un acte terroriste, mais aussi la possession de documents en vue de la préparation de celui-ci. Le Premier ministre a tenu à soulager la population en affirmant qu'aucune menace imminente ne concernait le pays. En sport, le relais 4x100 belge de natation a terminé à la 6e place de la finale. Une bonne prestation pour les vice-champions d'Europe qui ont battu leur propre record personnel. Moins de chance par contre pour Fanny Lecluse, éliminée dès le premier tour. Surglose a lui été sorti en demi-finale avec le 14e temps désengagé. Quant à l'Américain Michael Phelps, il remporte sa 19e médaille d'or. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Il aura fallu 5 jours à un jeune homme artiste peintre français afin de réaliser la plus longue fresque sur herbe au monde. Le jeune homme a réalisé une peinture recouvrant 10 000 mètres carrés sur le flanc d'une colline suisse. L'artiste a choisi la petite commune de Leysine dans les Alpes vaudoises. On peut voir sur la colline un berger allongé dans l'herbe avec une pipe dans la bouche et des yeux à moitié fermés. Fun. Fun Radio. Dans un instant, côté Sun Dance Floor sur Fun, c'est Imani et Don't Be So Shy qui arrivent. On se fera également plaisir avec le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike avec Stay A While. Juste avant Florence, côté météo, que se passe-t-il pour ce début de semaine? Un temps généralement sec avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Le Sun Dance Floor continue avec les Major Lazer dans Summer Fun sur Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun, c'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at playoffs. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. She a make bag a nice, me no even give a fuck. She a swan lot a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gallus, I'm in stanta forever. Yo, please, baby don't leave. Digga da booty booty boom bam bam. h 05 sur Fun Radio, la journée démarre ensemble en tout cas dans quelques secondes avec le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike. Stay Wild, c'est ce qui arrive côté sur Dance Floor. Le temps pour nous, Coralie, de se souhaiter la bienvenue. Comment ça va bien ce matin? Ça va super, et toi? Mais écoute, très très bien avec le magnifique temps qu'on a eu ce week-end. Que demander de mieux évidemment pour bien démarrer la semaine. Et d'ailleurs, pour bien démarrer la semaine, on commence avec l'éphéméride du jour. Nous sommes le 221e jour de l'année, nous débutons la 32e semaine. Et des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Dominique Syriac et à Éole. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nées également ce lundi 8 août. Dont Roger Federer, Francis Lalanne ou encore Bernard Menez. Qui est un comédien français. Et puis on termine avec la journée mondiale du jour qui colle un peu justement à notre sujet, les conflits entre animaux. C'est la journée internationale du chat, donc on sait pas trop pourquoi il y a cette journée internationale. Bah, en tout moi cas, je sais en tout cas, parce qu'un chat ça cartonne, c'est génial, c'est câlin, c'est beau, c'est... voilà. Et bien c'est pas vrai, parce que ce sont des personnes comme toi qui ont décidé que cette journée soit la journée internationale du chat et c'était décidé sur internet. Et bien justement, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Moi je suis plus chien, chat elle est plus chien, et vous, réagissez dès maintenant. Voici Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun. Will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Don't run away.

Never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go. 7h13 sur Fun Radio, bon réveil, merci d'être avec nous. Imani, Don't Be So Shy, c'est ce que je vous cale dans un instant. Juste avant Coralie, aujourd'hui on parle des animaux domestiques puisque c'est la journée mondiale des chats. Toi qui adores les chats justement. Ouais ou pas. Mais les chats pourtant c'est la vie, je suis. Non, je suis on a un énorme conflit dans l'équipe parce qu'en préparant l'émission on s'est dit bah évidemment on va parler des animaux vu que c'est la journée mondiale du chat. Et Coralie elle déteste les chats alors qu'elle a pas compris que les chats c'est l'avenir, c'est la vie, c'est voilà tout ce qui fait notre quotidien. Toi tu mais es plus quoi. Bah, je préfère les chiens. Ce genre de truc là qui marche avec une laisse et qui a plein de puces. Arrête un peu, au moins ça vient faire des câlins, c'est reconnaissant quand tu fais quelque chose pour lui. Je pense il est pas, content non. Quand il te voit. Le chat ça part dormir, manger, ça fait rien du tout. Hein. Bah ça te fait des câlins, ça sourit, ça ouais, parle, ça miaule, ça te fait des câlins. Ton lit, bah mon chat il me parle. Ouais, il fait pipi dans ton lit aussi, ça va. Hein. Mais ça, c'est un accident, ça arrive. C'est comme les bébés, ça, ouais, ça arrive. Ça, c'est dégueulasse, je m'y attendais pas. Bah oui, ça arrive, les accidents. Écoutez, eh ben Coralie, on va continuer le débat avec les auditeurs. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous, un chat, un chien? Quels sont les arguments? On va argumenter un peu tout ça tout à l'heure parce que bah toi tu aimes bien les chiens, mais pourquoi? Pas juste parce qu'ils ont une longue queue. On va vérifier donc tout ça dans quelques instants. A été facile, je sais. Juste avant, on va parler de Fabien Feuillage, Coralie, puisqu'il nous vient comme chaque jour nous parler de ses petits canulars téléphoniques. Le principe très simple, il décroche son téléphone, il appelle des inconnus dans le bottin. Et aujourd'hui, eh bien, comme on parle des animaux, quoi de mieux que d'appeler Monsieur le Chien? Allô? Oui, allô? Qui c'est? C'est Fabien Feillèche, là. Et là, c'est qui? C'est bien Philippe le chien? Oui. Comment ça va, mon petit pépère? Petit pépère à son papa, comment qu'il va? Et ma petite Coralie, comment ça va ce matin? Oui. Ouh, oui, j'ai même du mal à faire. T'as vu? Merci d'être sur Fun Radio, les amis. Soprano, le diable ne s'amuse plus en prana. C'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Juste avant, il est 7h15. Et à 7h15, c'est Imani et Don't Be So Shy sur Fun. Welcome. Take a breath. Rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Don't 7h18 sur Fun Radio, merci d'être là en ce lundi 8 août. On se réveille, on démarre la journée, la semaine ensemble avec Soprano et Le Diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, un Club Buzz qui parle de religion et de sport. Exactement, parce qu'après les prêtres chanteurs en France, on va avoir des prêtres commentateurs sportifs au Portugal. Commentateurs sportifs, pourquoi pas. Exactement, donc c'est le Portugal, tout le monde sait, c'est les vainqueurs de l'Euro 2016, ils adorent le football. Et une chaîne sportive a recruté trois hommes d'église, justement, qui donneront chaque vendredi leur avis sur les matchs du week-end. Mais c'est que pour faire le buzz. Bah, quel probablement, mais chaque prêtre, en fait, est fan de d'un club portugais. Ah oui, c'est pour ça en fait. Oui, donc le Benfica Lisbonne pour un des prêtres, le FC Porto et le Sporting du Portugal. Donc voilà, ils vont venir discuter chacun à leur tour des matchs qui auront lieu le week-end. Chacun habillé évidemment en couleur de leur équipe favorite. Ça peut être franchement original en tout cas comme truc à voir. Les prêtres, après les chanteurs, j'avoue que j'ai l'image des chanteurs en tête. Le truc qu'on a tous vu évidemment à la télévision, oui, sur le web. Et là maintenant ça va être les prêtres footballeurs. Ça peut être plutôt sympa en tout cas. Bah oui, parce qu'en plus au Portugal, bah voilà, c'est 80% de la population se déclare catholique. Et c'est un peu, le football c'est un peu la seconde religion du Portugal du coup. Et donc ils se trouvaient ça assez sympa de demander à des prêtres de venir donner leur avis. C'est vrai que c'est assez original. C'est vrai ? Mais ça arrive comme ça. J'étais en train de parler avec Florence, pardon. Autant pour moi, c'est le matin aussi, on parlait manucure. Il est 7h19 les amis, écoutez, on se réveille, on démarre surtout la semaine ensemble. Le week-end a été assez fructueux, assez sympa, assez doux, vu que ben voilà, il faisait beau, on en a profité, vous autant que nous. Je vous rappelle rapidement le sujet du jour, on parle des chiens et des chats, on parle des animaux domestiques aujourd'hui. Vous êtes pour, vous êtes contre les chats, vous êtes pour les chats, dites-le nous dès maintenant par SMS 3044, car oui, Coralie, c'est la journée mondiale du... chat. Je sais que tu le dis avec beaucoup d'amour, c'est pour ça que je te le dis. Dans quelques instants les amis, on va également avoir Liam Summer côté Sun Dance Floor, ainsi que Soprano et Le Diable ne s'habille plus en Prana. Et puis si vous avez envie de souhaiter l'anniversaire d'un pote en direct ici à l'antenne de Fun Radio, c'est très simple, voilà comment ça se passe. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. C'est l'été, et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule, dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil, il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot, c'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together and no one can stop. We were just that feeling. Nothing could ever bring it down. So no one can stop. We were just that feeling. Nothing could ever bring it down. Make it easier to sing, yeah. Tous les matins,

vous réveiller sur Fun Radio dans quelques instants. C'est The Chainsmokers, c'est Daya qui arrive. On aura aussi Justin Timberlake ou encore les LMFAO. Avant ça, il est 7h30 sur Fun Radio et comme tout dès le meilleur, on s'informe avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La 15e édition de Bruxelles-les-Bains s'est terminée sur un bon bilan. Depuis son ouverture, les organisateurs ont annoncé un bilan positif pour cette année. Il serait même équivalent à celui de l'année dernière. Voilà enfin une bonne nouvelle pour la capitale et son tourisme qui souffre encore des attentats du 22 mars dernier. À l'étranger, 20 personnes ont perdu la vie à la suite de violents orages en Macédoine. Les orages accompagnés de fortes rafales de vent ont touché plus précisément le nord-est du pays. 93 litres d'eau sont tombés en à peine 2 heures. 7 rondes d'eau ont provoqué des inondations et des glissements de terrain causant la mort d'au moins 20 personnes. D'autres sont encore portées disparues. Le bilan risque d'augmenter dans les prochaines heures. Selon un nouveau sondage publié aux États-Unis, Hillary Clinton confirmerait sa nette avance. La candidate démocrate à la présidentielle dépasse son rival républicain de 8 points. La campagne traverse une passe difficile depuis quelques semaines. L'ancienne première dame est créditée de 50% des votes contre 42% pour Trump à l'heure actuelle. En sport, David Goffin s'est facilement imposé lors de son premier tour au tournoi olympique cette nuit. Le Belge n'a fait qu'une bouchée de l'Australien Gross. Il s'est imposé en 2 petits sets. Du côté des femmes, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour la suite du tournoi la nuit dernière en sortant un match d'anthologie face à l'ancienne numéro 1 mondiale Venus Williams. En double, Janina Wickmeyer et Kirsten Flipkens passent également le second tour. Les sœurs Williams ont quant à elles été éliminées en double, tout comme Novak Djokovic qui voit déjà son tournoi olympique simple s'achever. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec ces touristes du lac Taoué qui ont eu une surprise alors qu'ils prenaient du bon temps en bord de lac. 3 invités surprises sont arrivés sur la plage pour eux aussi prendre un petit bain de fraîcheur. 3 ours, la maman et ses 2 jeunes ont profité des plaisirs de l'eau en famille, en compagnie de baigneurs sans aucune crainte. Il faut dire que les animaux ne sont pas uniquement méchants dans cette partie des États-Unis. Les 3 ours ont profité quelques minutes de l'eau avant de retourner calmement dans leur forêt. Fun Radio. Dans un instant, on va s'écouter le Fabien Feuillage du jour qui parle des animaux. Il a contacté pour nous Philippe le chien, vous allez voir, c'est très très drôle. Côté sur Dance Floor, c'est Justin Timberlake qu'on arrive. On aura également le duo de Chainsmokers et Daya, ainsi que LMFAO qui arrive dans quelques petites secondes avec Party Rock Anthem. Juste avant, côté météo, est-ce que ça va bugger dans le ciel aujourd'hui? Avec un temps généralement sec, avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés, Summer Fun continue avec le son Dance Floor de Drake sur Fun Radio. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Yeah. do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow, make you lose control. Shuffling. est-ce que je me souviens de ça, Coralie? C'était il y a quelques années, c'était l'LMFAO Party Work Anthem. On a tous dansé sur ça, évidemment, Coralie, ah, toi aussi. Ah, ben bien sûr. The Chainsmokers, Daya, Don't Let Me Down, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, d'accueillir Fabien Feuillet. Comment on pourrait le présenter, Fabien? Bah, Fabien, c'est un homme qui aime bien faire des canulars, qui aime bien ennuyer les gens, qui aime vraiment bien les ennuyer, on va pas se mentir. Il aime bien les pousser au bout, jusqu'à leur limite. Et il nous fait beaucoup rire, donc voilà, c'est un peu ça, Fabien Feuillet. Et donc, tous les matins, il vient nous faire rire, Fabien Feuillet. Et aujourd'hui, comme on parle des animaux, et ben, il n'a pas pu manquer l'occasion d'appeler monsieur Philippe le chien. Fabien Feuillet. Allô? Oui, allô? Qui c'est? C'est Fabien Feuillet là. Et là, c'est qui? C'est Philippe le chien? Oui. Ah, comment ça va, mon petit pépère? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Bah, c'est bien Philippe le chien? Oui. Comment ça va, mon petit pépère? Petit pépère à son papa, comment qu'il va? Non, là, c'est pas possible, là, j'ai pas que ça à faire. Hein. Bah, hein? Philippe le petit chien, donne la papate. Ah, donne la papate. Je vais raccrocher, j'ai pas que ça à faire. Hein. Bah, le petit chien. Allô? Coucou, Philippe le petit chien. Oh, c'est bon, ouais, t'es encore là, toi? Ouais, hey, faut que je vienne te chercher, faut que je te sorte, faut que tu fasses ton petit pissou. Donne la papate. Je t'emmerde et je te pisse au cul. Allô? Ça va le chien? C'est ton papa, c'est Fabien Feuillet. Oui, mais là, il faut que t'arrêtes de m'emmerder, j'ai pas que ça à foutre, là. Hein. Non, mais là, c'est important, j'ai quelqu'un de ta famille avec moi. Viens. C'est pas vrai, ça. Viens, je te le passe, hein. Quitte pas, Philippe le chien. T'es un boulet, toi. Hein. Je vais pas chier, toi, ton chien. Merde. Allô? Ouais, c'est Non, pas toi encore, là, c'est bon, là, tu nous emmerdes tous, là, il faut que t'arrêtes d'appeler, là, maintenant, là, c'est fini, là. Ne quitte pas, parce que j'ai deux secondes, c'est juste Toutounette. Non, c'est pas possible, là. Toutounette, viens poser la question. Ouais, d'accord, allez, c'est ça. Au revoir. Couché, au panier. Ferme ta gueule, maintenant. Fous-moi la paix. Ferme ta gueule, Toutounette. Fabien Feuillet. Fabien Feuillet. Je te sors, faut que tu fasses ton petit pissou. Dans la papate. Je t'emmerde et je te pisse au cul. J'adore le gars qui garde le sourire quand même. C'était Fabien Feuillet toujours, les amis, dans quelques instants. On va appeler l'un ou l'une d'entre vous qui avait envie de souhaiter l'anniversaire à un de vos potes. Alors pour vous inscrire, c'est encore possible. Coralie, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044 et je vous recontacte. Le principe, c'est qu'on appelle vos potes en direct ici sur Fun Radio pour leur souhaiter un bon anniversaire. C'est plutôt un cadeau original et sympa qu'on peut faire en ce lundi matin. Côté Sun Dance Floor, c'est le Chainsmokers, c'est Daya avec Don't Let Me Down qui arrive. Bienvenue sur Fun. Don't let me down. right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. À 7h45 sur Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est ce qui arrive dans un instant. Que vous soyez sur la route du boulot, la route des vacances peut-être si vous avez la chance d'en prendre, soyez les bienvenus, vous écoutez Fun Radio, je m'appelle Anto et on est en direct jusqu'à 9h dans Summer Fun avec ici notre séquence anniversaire. Le principe c'est que nous appelons en direct l'un ou l'une de vos potes pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui faire la surprise qu'il est sur Fun Radio pour Coralie. C'est un cadeau plutôt sympa qu'on peut faire, ouais, évidemment. Ouais, c'est assez cool, c'est vraiment cool. Aujourd'hui on appelle Angelo qui a 27 ans et qui habite Bruxelles. Angelo, allô, allô Angelo, comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais où tu es? Ouais, je pense. Tu penses? Tu penses à où? Sur Fun. Eh ben oui, c'est ce Fun, ah, parce que ce matin, on voulait te souhaiter Angelo un bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire. Merci beaucoup. 27 ans, Angelo, ça se fête. Ben, on a reçu un petit message au 3044 pour te souhaiter un bon anniversaire avec ton numéro de téléphone. Ben, nous, on s'est dit, hop, allons-y. C'est le moment, c'est là. Ah, ok. Joyeux anniversaire, Angelo. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour ta journée de 27 ans aujourd'hui? Aller boire un verre en famille. Ah, manger quelque chose en famille, quoi. Ah, ça c'est mignon, la famille en tout cas. Angelo, je te fais des gros bisous, passe une excellente journée, merci à toi. Bah, merci à vous. Hein. À très bientôt, bisous. Ciao, ciao. Angelo, vous aussi, vous avez envie, eh bien, de souhaiter l'anniversaire d'un pote ici à l'antenne sur Fun Radio, même passer, nous faire un petit coup simplement. Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJ sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah, that's keeping you warm, saying bye. And I'll do anything you want me to when we're in paradise. I'll see you on the other side where it's alright. If tonight is the last night, I'll see you in paradise.

Il est presque 8h sans fin de radio, soyez les bienvenus. Bon réveil, Coralie, un cadeau 2 en 1 qu'on vous offre toute cette semaine. Exactement, on vous offre votre PC Acer One 10. Donc c'est un PC convertible en tablette. Si jamais vous souhaitez le remporter, envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Et franchement, on l'a ici en studio et il cartonne. PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Voici Jennifer Lopez sur Fun. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Sur Fun Radio, je m'appelle Anto. Fun Radio. Fun. 8h01 sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe en ce lundi 8 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Notre capitale est prête à créer un lieu de mémoire pour les victimes de la route en Europe. La Fédération Européenne des Victimes de la Route a été créée il y a 25 ans avec à sa tête 25 associations membres et 17 pays européens. Les autorités bruxelloises doivent encore définir la forme exacte. Une chose est certaine, l'endroit sera consacré au recueillement. Pour la capitale, il s'agit également de faire prendre conscience à tous les usagers des dangers de la route et de leur rappeler de redoubler de vigilance. À l'étranger, un homme s'est retranché en Allemagne dans un restaurant de la chaîne Serbeukre hier. L'homme a apparemment déséquilibré et connu de la justice a été retrouvé endormi dans la cave de l'établissement. La police a été déployée en masse et a bouclé la ville dans laquelle s'est produit le retranchement. La police a rapidement affirmé que les motivations n'étaient pas d'ordre politique. En sport, football, la surprise du week-end est signée par le club de Bruges. Et les Brugeois ont été battus 1-0 par la révélation du championnat belge de l'an dernier. Et c'est dans les dernières minutes de jeu que les Ostendais ont pris l'avance. Dans le duel du haut de classement, c'est Gand qui remporte les 3 points. Les hommes de Van Azebroek l'ont emporté sur le score d'1-0 face à Genk. Anderlecht, le Standard et Zult ont tous les 3 gagné leur match. Eupen a quant à lui une nouvelle fois été battu au classement général. Anderlecht, Zult et Charleroi sont en tête. Le Standard est 4e, Bruges 7e. Eupen reste quant à lui bon dernier. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. On le savait depuis longtemps, les animaux et les hommes peuvent bien souvent être complices et s'amuser ensemble. Cependant, l'aventure de cet Américain restera marquée à jamais dans sa tête. L'homme s'est rendu au zoo afin de passer un bon moment alors qu'il essayait de jouer avec l'animal. Un jeu qui a bien fonctionné cependant. L'homme et l'animal ont alors joué ensemble en réalisant les uns après les autres les mêmes gestes. Ils ont tous deux passé une superbe journée. La vidéo postée sur les réseaux sociaux a fait le tour du monde. La petite amie est présente sur place et quant à elle, restait bouche bée par ce qu'elle venait de vivre. Fun Radio. Dans un instant, côté sur Dance Floor, c'est le duo Calvin Harris et Rihanna qui arrive avec This Is What You Came For. On aura également Unique et Mercy. Juste avant, côté météo, Florence, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui? Un temps généralement sec avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec Fake et Afrojack. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son Dance Floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling, why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, do you think can you live like you want? I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, hey. I said, Fun Radio redémarre la journée ensemble, soyez les bienvenus. Et quoi de mieux d'ailleurs que commencer la journée avec une bonne dose de Sun and Floor. Unique Mercy, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Le temps pour nous, Coralie, de se souhaiter la bienvenue. Comment ça va bien ce matin? Ça va super, et toi? Mais écoute, très très bien, avec le magnifique week-end qu'on vient d'avoir. On a Florence aux infos, Étienne à la réalisation, et puis vous qui êtes chez vous et qui nous écoutez, évidemment, en voiture ou encore dans votre chambre, dans votre lit, en train d'ouvrir tout doucement les yeux pour démarrer la journée. Dans tous les cas, soyez les bienvenus, vous êtes sur Fun Radio, et comme toutes les heures, on démarre avec l'éphéméride, Coralie. Et oui, nous sommes le 221e jour de l'année et on débute la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Dominique, Syriac et à Éole. Bonne fête à vous les amis. Et puis comme chaque jour, des stars sont nées ce lundi 8 août. Dont le célèbre tennisman Roger Federer, Francis Lannane ou encore Bernard Ménès qui est un comédien français. Et puis aujourd'hui, en rapport avec notre sujet du jour, c'est la journée mondiale du chat. Et la journée internationale du chat, donc voilà, personne ne sait pourquoi c'est la journée internationale du chat, pourquoi on célèbre cette journée, mais en tout cas, les sur internet, ils ont décidé qu'aujourd'hui serait la journée du chat, et donc on va la fêter comme il se doit. Comment tu n'as pas encore compris que le chat c'est l'animal par excellence? Non, je suis pas d'accord, c'est le chien. C'est le chat, le chat est attentionné, tout, ouais, avec ce bruitage très réaliste. Le chat il pense juste à manger. Et le chien non? Le chien il donne des câlins, il est content, tu vois. On va en débattre juste après. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dès maintenant par SMS 3044 8h08. Voici Unique et Mercy sans fun. Bang bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Party, party, the all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only he can make me ayah, ayah, ayah, ayah, ayah. Fire, sur tous ces beaux parleurs. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only you can make me. Allez, on s'amuse ensemble sur Fun Radio, 8h10, bon réveil, merci. Merci de vous réveiller avec nous, Calvin Harris, Rihanna, This is What to Come From. Vous voyez, la bonne humeur nous envahit ce matin. C'est ça le plaisir de démarrer la journée ensemble très tôt et surtout de réveiller la Belgique avec un concours qu'Aurélie et Lucas doivent vous offrir. Tout à fait, vous pourrez repartir avec votre entrée pour Turbio Aventure. Si vous reconnaissez le titre qu'on va vous passer dans quelques instants, il a évidemment été modifié parce qu'il faut un peu compliquer la chose bah oui, par notre stagiaire évidemment. Etienne. Bon, j'espère qu'il sera gentil aujourd'hui. Eh ben, on va le découvrir ensemble, voici l'extrait du jour. Si vous n'avez pas bien écouté, on va le réécouter une deuxième fois. Alors, qui interprète ce titre ou quel titre de cette musique? Vous nous le dites maintenant par SMS au 3044. Alors, vous avez une idée, vous pensez avoir la bonne réponse, ça se passe par SMS au 3044. On a pour vous des places pour Dinon Aventure, qui maintenant s'appelle La Petite Merveille d'ailleurs. Ah bon? Oui. Je savais pas. Le Durbuis Aventure, pardon. Durbuis Aventure, c'est des places qu'on vous offre aujourd'hui. D'ailleurs, Durbuis, je sais pas si vous le savez, mais oui, ça s'appelle maintenant La Petite Merveille. C'est important de le savoir. C'est sympa. Et donc, c'est des places qu'on vous offre aujourd'hui si vous trouvez la bonne réponse. Dans un instant, Calvin Harris, Rihanna. This is What to Come For, sur Fun 8h11. Soyez les bienvenus. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. You. babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Fun Radio dans quelques secondes, on part du côté des idées de sortie du jour. Juste avant, c'est Axwell et Sébastien Grosso, Think About You qui arrivent. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et on commence, Coralie, avec le Challenge Alp. Exactement, donc le parc Guinan Aventure vous attend pour vous offrir de nouvelles sensations. Au menu, initiation, matériel de sécurité, pont de singe et tyrolienne, mais surtout la Via Vita, donc... C'est quoi la Via Vita? Je vais t'expliquer, c'est une piste d'escalade sur rocher naturel unique en Belgique. Donc elle serait remplie d'obstacles, mais cette route vers le sommet vous fera profiter de sa superbe vue. On va vous expliquer pourquoi on rigole, parce que c'est pas sympa. Juste avant de reprendre l'antenne, Coralie était méga concentrée sur ses ongles en train de regarder. Oh, ma manucure elle est belle, oh, c'est sympa, vous trouvez quoi? Et donc elle s'est pas rendu compte que c'était le retour. Et voilà pourquoi ce petit fou rire. Comment on peut retrouver des infos par exemple sur ce Challenge Alp? www.dinan-evasion.be. Et puis ça coûte plus ou moins une vingtaine d'euros. Exactement, ça coûte 27 euros par personne. Mais bon, c'est un truc incroyable. Je pense qu'on pourra pas faire tout, qu'on peut pas faire tous les jours en fait. Et puis on change complètement d'idée. On part pour une exposition des seniors. Exactement, les artistes seniors membres de l'association provinciale des seniors du Luxembourg vous invitent à l'exposition de leur œuvre, tout simplement. Bah ça a l'air intéressant en tout cas. Et ça se passe où? Ça se passe... Ça se passe dans quoi, Coralie? Elle n'arrive pas, ça se passe du côté de Bastogne, je pense. À la rue du Vivier 58, c'est gratuit. Et puis ça se passe aujourd'hui, apparemment, entre 14h et 18h. Merci beaucoup, Coralie, pour ces idées de sortie. Tout à l'heure, je vais vous parler de l'île d'Ivoire. C'est donc une île qui se trouve ici en Belgique. Et vous allez pouvoir remporter, grâce évidemment à notre ami Adrien, qui est le responsable de l'île d'Ivoire, des sauts Blop Gem. Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir avec lui. Ce sera aux alentours de 8h50. Avant ça, c'est Axwell et Sébastien Grosso qui arrivent sur Fun. Et plus juste avant, on va être crazy avec Lumidi. Bienvenue. She like you crazy. Don't make me, okay. Lay there, won't face me. I'm turning your boy, you're

dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est le belge Alec Jarmis qui arrive. On se fera plaisir avec Kungs et Tease Girl, ainsi que Maître Gims et Ma Beauté sur Fun. Fun. Fun Radio. Juste avant, il est 8h31, on s'informe avec Florence Venlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Dimanche soir, Farciennes a été le théâtre de perquisitions. Et c'est dans un quartier à logements sociaux que cela s'est déroulé. L'habitation concernée est habitée par une famille d'Algériens. Et cette perquisition est en lien direct avec l'attaque de Charleroi, qui a été commise par un Algérien. La route a été fermée à la circulation et le service de déminage est descendu sur place. Les deux policières attaquées seraient sorties du coma. Elles seraient dans un état stable à l'heure actuelle. L'une d'elles doit encore être opérée. À l'étranger, le Mexique est touché par de violents orages ces derniers jours. Alors que le phénomène perdait en intensité, les fortes pluies ont causé des glissements de terrain. Et ces derniers ont causé la mort d'au moins 38 personnes. De nombreux habitants sont toujours portés disparu et le nombre de victimes pourrait encore augmenter de manière significative. Une enquête a été ouverte par les autorités britanniques. Cette enquête concerne le constructeur aéronautique Airbus. Selon la société, l'Office britannique de lutte contre la fraude se penche sur des suspicions de fraude et corruption autour de la vente d'appareils commerciaux. Le groupe aéronautique a fait savoir dimanche qu'il collaborerait à l'enquête. En sport, les Red Lions se sont imposés pour la deuxième fois dans le concours olympique de hockey sur gazon. Les Belges ont écrasé le Brésil, pays organisateur. Notre équipe nationale l'a emporté sur le score de 12-0. C'est la deuxième victoire des Belges après le 4-1 ce samedi contre l'Angleterre. Et les Belges commencent donc ce tournoi de la meilleure des manières. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Et c'est 50 000 canards qui se sont livrés à une course folle dans la Chicago River. Un camion a largué pas moins de 50 000 canards jaunes en plastique dans la célèbre rivière. Chaque canard a été jeté à l'eau et adopté par un joueur pour 5 $. Les premiers canards à franchir l'arrivée remportaient, comme dans chaque course, un cadeau important. La course a rapporté 400 000 $. L'entièreté de l'argent sera intégralement reversée au Special Olympics d'Illinois. Fun. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est le belge Alec Jarmis qui arrive avec son titre Sweet Afterglow. C'est une tuerie, vous allez voir, je vous le balance dans un instant. On aura également Kungs et Tease Girl. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Florence? Plus ou moins, avec un temps généralement sec et des températures qui seront comprises entre 17 et 21 degrés. Summer Fun continue avec le son dance floor de Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. calme, pas de panique, on ne vous abandonne pas, on reste ensemble jusqu'à 9h, 8h36, dans quelques secondes, c'est Kung, c'est Teasy Girl que je vous cale sur Fun. Juste avant Coralie, c'est l'heure pour nous bien d'appeler notre gagnant du jour, celui qui a pu reconnaître eh bien cet extrait. Je vais vous le faire réécouter. Le principe du Battle Fun, c'est donc de reconnaître un extrait fun qui a été modifié. Aujourd'hui, c'était celui-ci. Si ça vient. Avec des indices plutôt faciles, Coralie. Oui, on a dit que ça, c'était un serpent et qu'il avait collaboré avec Major Lazer. Alors, on a Lucas qui est avec nous par téléphone. Salut, Lucas. Salut. Comment ça va ce matin? Bah, ça va très bien, et vous? Eh bah, écoute, très bien, parce que justement, tu nous as appelé pour trouver la bonne réponse. Est-ce que tu as la réponse? Oui, c'est DJ Snake. Ouais. Bonne réponse, mon Lucas, bravo, on t'envoie, ouais. Ben, qu'est-ce qu'on t'envoie? Des places pour la petite merveille. Exactement, un seulement appelé Durby Aventure, tu vas pouvoir y aller ben, avec la personne de ton choix. Merci, super. Bravo Lucas, on te fait des bisous, en tout cas passe une excellente journée, merci d'être écoute ce matin. Dans quelques secondes, Coralie, on va s'écouter avec Jeremy, si tu connais évidemment. Ah, bien sûr. C'est un DJ qui cartonne ici en Belgique, il est tout jeune d'ailleurs, et il vient de sortir son deuxième single, Sweet Afterglow, c'est ce qu'on va s'écouter ici sur Fun Radio dans quelques secondes. Juste avant, c'est Kungs et Kiss Girl, c'est Chloé qui m'a demandé par SMS 3044 et je vous balance maintenant à 8h38 sur Fun Radio. Bienvenue, bon réveil. Sur Fun Radio, on démarre la journée et la semaine ensemble avec donc quelques petites secondes. Avec Jeremy, c'est son titre Sweet Afterglow. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Le temps pour nous d'accueillir Adrien qui est le responsable du Blob Jump de l'île d'Ivoire. Salut Adrien. Salut à vous. Comment ça va ce matin? Très bien, très bien. Bah écoute, ça très bien. Est-ce que tu peux en quelques mots peut-être nous décrire l'île d'Ivoire? L'île d'Ivoire. Alors en fait, c'est une grande île au milieu de la Meuse. Mm-hmm. C'est la seule île en Belgique qui est à des fins touristiques en fait. Bah oui, c'est ça qui est super sympa justement. Bah oui. Ouais, une grande plaine de jeux pour les enfants, la possibilité de manger, de louer des pédalos, de louer des kayaks et de faire du blob. Et justement, le blob, c'est ta spécialité. En quelques mots, vends-nous du rêve parce que franchement, ça en vend. Ouais, alors le blob, c'est un super gros matelas gonflable qui fait 10 mètres sur 3, qui est posé sur l'eau. Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a une personne qui va se mettre au bout du blob, tandis que deux autres personnes montent sur un échafaudage de 4 mètres 20 à peu près de hauteur. Ah, donc c'est un gros truc quand même, ouais, pas mal. Ouais, quand même, il y a des blocs, enfin, il y a des échafaudages qui vont plus haut, mais nous, on s'est limité à 4 mètres 20, c'est déjà très très bien. Ouais, tu m'étonnes. Et alors, les deux personnes sautent en même temps sur le matelas et font catapulter leur ami qui se trouve de l'autre côté du matelas dans les airs et ils terminent dans la Meuse en toute sécurité avec un gilet de sauvetage et un casque. Mais donc, t'as vu, tu te souviens, Coralie, quand on était petit, on faisait ça avec une sorte de balançoire quand on était dans les plaines de jeux pour enfants. Et là, c'est version taille réelle et c'est dans l'eau. Mais tu peux monter jusqu'à combien de mètres comme ça quand t'es projeté? Disons que ça peut monter au moins jusqu'à l'hauteur de l'échafaudage. Donc 4-5 mètres quand même. Ouais. Donc on peut quand même se sentir voler au-dessus de l'eau pendant quelques secondes. Ah ouais, carrément. Eh bien ça peut être super génial. Ça s'appelle le Blob Jump. Ça se passe à l'île d'Ivoire entre, je pense c'est entre Namur et Dinan, c'est ça? C'est ça, c'est entre Namur et Dinan. Et c'est vraiment pile en face de la gare SNCB Ivoire. Ah ben donc c'est encore plus facile. Eh bien nous on vous offre ce matin, les amis, des places pour aller tester le Blob Jump à l'île d'Ivoire. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de l'émission, vous partagez le statut, vous likez la page et puis vous indiquez le nom d'un ami avec qui vous aimeriez aller tester ce Blob Jump. C'est grâce à Adrien que vous allez pouvoir y aller. Et ça se passe évidemment aujourd'hui. Merci beaucoup Adrien, excellente journée à toi. Et puis à très bientôt. Merci, je peux juste passer un petit mot, c'est l'anniversaire de ma chérie, alors j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ah ben voilà, ben écoute, nous aussi on va lui souhaiter un très joyeux anniversaire à ta chérie, elle s'appelle comment? Noémie, toute l'équipe de Summer Fun te souhaite un bon anniversaire. Merci. Ça se fait tester ici en direct ce matin sur Fun Radio. Des bisous Adrien, à très bientôt. Au revoir. Au revoir Adrien. Vous aussi, vous avez envie de parler de votre activité, de parler de votre événement? Ça se passe tous les matins sur Fun Radio. Comment on s'inscrit? Il vous suffit de nous envoyer un message au 3044 ou encore sur la page Facebook ou encore par email à antoine@funradio.be. On continue à parler du sujet du jour dans quelques secondes. On est en guerre entre les chiens et les chats et c'est après ça. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Tu fais quoi? Je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie invitée à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Fun Radio. Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, blood stained on my sleeve. When our eyes meet, I can only see the end. But tonight, I'm here, yours again. But tonight, I'm gonna lose it all. Play with fire.

laisse la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. h54 sur Fun Radio, le meilleur de son dance floor, ça se passe aussi l'été, c'est jusque 9h. Dua Lipa, c'est ce que je vous cale dans un instant. Et puis Coralie, on va continuer à parler du sujet du jour, vu que nous sommes en guerre entre les animaux de compagnie. Exactement, moi je suis plus pour les chiens et toi tu préfères les chats. On en parle dans un instant, juste après Avicii et Nicky Romero sur Fun. Welcome. The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Sur Fun Radio, je m'appelle Anto et je vous accompagne jusqu'à 9h avec Dua Lipa, Other Than Hell, et c'est ce qui arrive côté son dance floor. Le Le temps pour nous, Coralie, de lire tous les messages qui sont arrivés durant l'émission par SMS au 3044, mais aussi sur Facebook, parce qu'on a eu notamment un petit SMS de Martin qui nous écoute également depuis Fleurus, accompagné de Dylan. Ils nous écoutent sur la route du boulot également. Je crois qu'ils vont dans la poste de Fleurus, si je me souviens bien du petit message. On a eu aussi une réaction concernant les activités du week-end. Exactement, il y a Isabelle qui nous dit chasse aux Pokémon avec mon fils hier au parc de la Beauvrie à Liège, c'était génial. Bisous Isa de Liège. On te fait des bisous Isa, et puis on parle du sujet du jour, Coralie, parce qu'on n'est pas d'accord. Moi je suis un pro-chat, tu es un pro-chien, on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Et donc le sujet a assez fait réagir. Oui, exactement, on a eu beaucoup de... Bon, on va pas se mentir, il y a eu plus de chats que de chiens. Ah, voilà. Merci les amis, merci. Voilà, il y a Pierre-Henri Demarquin qui nous dit pour les chats, autonome, propre, bref, c'est débrouillard. Merci. Et on nous dit, bon, le chien est quand même vachement plus agréable que le chat. Il nous, au moins quand on rentre, il nous fait toujours la fête. C'est bien vrai, c'est genre pour ça que j'aime bien les chiens. Ouais, mais c'est juste un point positif sur tout le reste. Oh, mais non, n'importe quoi. Sinon, on dit chien, chat. Les chats, ça prend moins de place et c'est plus facile de s'en occuper. Ouais, on peut dire ça, c'est vrai. Ouais. Sinon, on dit encore les chiens parce que quand on va les promener, eh ben, ils peuvent nous tirer au lieu de marcher bêtement. Ouais, c'est un peu. Donc on va retenir en règle générale, les gens préfèrent les chats et nous sommes d'accord avec moi, je suis... Merci Coralie en tout cas pour cette réaction très pertinente, j'ai raison quoi, point. Voilà. Ouais c'est ça. On a également, je ne sais plus, je viens d'avoir un trou de mémoire énorme en te regardant. On vous offre votre PC Acer One 10. Un PC un... tablette 2 en 1, franchement sympathique. Exactement, il est convertible en tablette, donc vous pouvez décrocher l'écran de son clavier pour le transporter partout. Vous pouvez aussi évidemment vous en servir comme un ordinateur tout à fait normal. Mais vous souhaitez remporter ce cadeau, envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on appelle là en l'une d'entre vous dans moins de 10 minutes, bonne chance. Fun. Fun Radio. Il est 9h sur Fun Radio, la journée démarre avec une bonne dose d'infos. J'en suis perdu tellement on est heureux d'être là ensemble. Florence, que se passe-t-il dans l'actu aujourd'hui? Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous. La Belgique commémore aujourd'hui les 60 ans de la catastrophe du bois du Cazier. Il y a 60 ans, jour pour jour, un terrible incendie faisait 262 morts dans la province du Hainaut. La ville de Charleroi connaissait alors la plus grande catastrophe minière jamais rencontrée en Belgique. Child Focus a reçu plus de 800 000 appels et traité pas moins de 50 000 dossiers. Child Focus a été créé il y a 18 ans suite à l'affaire du trou. 20 ans après la découverte des corps de Julie et Mélissa, les enfants disparus et sexuellement exploités sont toujours aussi nombreux dans notre pays. Mons accueillera bientôt son magasin Primark. Les travaux ont commencé avec une phase de démolition. La chaîne de textiles low cost devrait ouvrir ce nouveau magasin d'ici 2 ans. L'enquête publique vient de se clôturer et aucun recours n'a été introduit contre cette construction. À l'étranger, l'empereur Akihito prendra la parole dans la journée. Il fera une déclaration solennelle. Il pourrait laisser filtrer son désir d'alléger ses tâches. Il ne pourra en aucun cas prononcer le mot abdication. La constitution l'en empêche en effet. Le souverain âgé de 82 ans désire prendre un peu de temps pour lui. Il souhaite également modifier le régime impérial pour lui permettre de transférer ses fonctions à son fils de son vivant. En sport, la Russie a été suspendue par le Comité international paralympique. Et cette suspension fait suite au scandale de dopage d'État. La Russie n'aura pas le droit de participer aux prochains Jeux paralympiques du 7 au 18 septembre prochain. La Belgique y sera présente avec une délégation de 24 athlètes et quelques chances de médaille. Une information insolite et toute mignonne pour clôturer ce flash avec Jeffrey qui a eu une véritable surprise. Alors que le jeune homme était chez lui, il a reçu la plus belle visite de sa vie. Jeffrey, qui a dû quitter le Gabon pour exercer son métier de charpentier, a par la même occasion dû quitter sa famille pour que son jeune fils puisse voir sa grand-mère. La femme de Jeffrey a organisé le voyage de la famille. Une belle surprise pour le jeune homme qui n'avait plus vu sa mère depuis près de 10 ans. Fun Radio. Et Stella Hut qui débarque dans quelques instants sur Fun Radio avec le meilleur du son dance floor jusqu'à 13h. Il vous réserve le duo Tiesto et John Legend. On aura également Kanye West et American Boy ainsi que Galantis et No Money. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce début de semaine, Florence? Un temps généralement sec avec des températures qui sont comprises entre 17 et 21 degrés. Le son dance floor continue avec Dua Lipa sur Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son dance. Le son dance floor. L'été, vous le passez avec Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Oh yeah. Oh yeah. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'll give you the pleasure heaven. And I'll give it to you harder than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure heaven. And I'll give it to you harder than hell. Sur Fun Radio, quoi de mieux pour entamer la journée de bon pied que d'écouter Fun Radio avec dans quelques secondes Galantis et No Money. Le temps pour nous, Coralie, d'accueillir notre gagnante du jour. Elle s'appelle Béatrice, elle a 56 ans, elle habite Fleurus, très belle ville d'ailleurs. Bonjour Béatrice, comment ça va bien ce matin? Fleurus. Bonjour, ça comme... va, oui. Bah ça peut que aller façon avec le temps qu'on a eu. Béatrice, qu'est-ce que tu as fait de beau ton week-end? Oh, pas grand-chose. Tu as profité du soleil au moins un petit peu? Un petit peu, oui. Ah, ben c'est très bien. En tout cas, tu vas pouvoir encore profiter bien longtemps de cette superbe tablette PC parce que c'est gagné. On te l'offre ce matin. Ouais. Bravo! C'est génial. C'est Fun Radio. On t'envoie ça à la maison direct. Discuter. Elle a la pêche, hein, en tout cas, Béatrice, ce matin. Ça fait super plaisir. On t'envoie ça du côté de Fleurus. Béatrice, est-ce que toi, tu as une préférence pour les chats ou les chiens? Dis-nous ce matin. Plutôt les chiens, moi, j'adore. Plutôt les chats, ah, c'est ça, tu dis? Non, les chats. Non, les chats, non. Ah zut. Bon, j'ai essayé de trafiquer un petit peu le truc. En tout cas, Béatrice, je te fais des gros bisous. On t'envoie tout ça du côté de Fleurus. Passe une excellente journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Béatrice. Au revoir. On a encore d'ailleurs des tablettes PC à vous offrir, Coralie. Oui, tout à l'heure, dans C'est que du fun, entre 17h et 20h, vous pourrez aussi repartir avec votre Acer One 10. Donc, si vous souhaitez repartir avec cette tablette PC, vous pouvez déjà maintenant vous inscrire en envoyant PC par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Et bon, ils font le tirage au sort tout à l'heure. Et d'ailleurs, nous, on a un concours qui se passe maintenant sur la page Facebook de Summer Fun pour pouvoir repartir avec vos sauts de Blum Jump entre Damur et Dinan sur la Meuse. Donc c'est un matelas, on peut rappeler, sur lequel on est propulsé lancer dans les airs. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun, vous partagez le statut, vous likez la page et puis vous indiquez en commentaire avec qui vous aimeriez aller. Et je vous offre tout ça à la fin de la journée. Coralie, on se retrouve demain. On reste connecté dès maintenant sur les réseaux sociaux et par Snapchat. Sur la page Facebook Summer Fun, venez nous rejoindre, venez liker la page ou encore sur le Snapchat Fleurus Radio pour voir tous les coulisses de l'émission. À demain Coralie, à demain la team, 6h. D'ici là, c'est Lloyd qui débarque sur Fun jusqu'à 13h avec le meilleur de son dance floor. Comment ça va mon Lloyd? Ça va et toi Anto? Très bon week-end que tu as passé évidemment, ensoleillé en plus. Non, pas trop. Pas trop? Bah écoute, j'étais un peu déçu hier. Je m'attendais à la journée de l'été, on disait. On a quand même 28 degrés hier, c'était quand même pas mal. Hein. Moi de mon côté, il faisait 24 et nuage. Bah à Braine-l'Alleud. À Braine-l'Alleud, moi j'étais à Braine-le-Comte. Ouais. Et là, c'était plutôt pas mal. Il y a eu un tout petit peu de pluie, mais le reste, génial. Je trouve que c'était fort nuageux, mais bon. Bah, je propose qu'on se console avec. Content, en Belgique, hein. Je propose qu'on se console avec une bonne dose de son dance floor. Là, nous, on se retrouve demain dès 6h, les amis. Et puis, moi, je vous laisse en très bonne compagnie. Hein? Bah toi. Ah merci. Tu vas accompagner nos auditeurs jusqu'à 13h. Je vous fais je vous invite à faire plein de bêtises évidemment comme chaque jour, mais les faire très bien. Et puis Lloyd, des surprises que tu as pour nous dans la suite. Yes, dans un instant il y aura Tiesto, John Legend, Estelle et Kanye West. Et voici Galantis sur Fun. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard